Nobel 13, Phare. L'Eure est probablement un des rares départements terriens français, et c'est certainement le seul qui possède un phare maritime. À la suite de quelles louches intrigues, de quelles basses démarches, de quelles nauséeuses influences ce département d'eau douce est-il arrivé à faire ériger en son sein un phare de première classe, voilà ce que je ne saurais dire, voilà ce que je ne voudrais jamais chercher à savoir. Quelques petits jeunes gens des ponts et chaussées me répondront d'un air suffisant qu'un phare élevé en terre ferme peut éclairer une portion de mer 6 pas trop loin de là. Soit. Il n'en est pas moins humiliant quand on habite Honfleur. Des Honfleurais font d'Air Québec en 1608, et qu'un ami, Aurélien ou un autre, vous prie de lui faire visiter un phare de la première classe, il n'en est pas moins humiliant, dis-je, de le trimballer dans un département voisin dont le plus intrépide navigateur est tanneur à Pont-Audemer. Non pas que le voyage en soit regrettable, oh que non pas! La route est charmante d'un point à l'autre, peuplée de vieilles sempiterneuses qui tricotent, de jeunes filles qui attendent à la fontaine que leurs sioux se remplissent. Ah, combien exquises ces Danaïdes normandes! Une surtout, un peu avant Fiquefleur. Alors on arrive à Fatouville, c'est là le phare. Un gardien vous accueille, c'est le gardien-chef. Ne l'oublions pas, un gardien-chef de première classe, comme il a soin de vous en aviser lui-même. On gravit un escalier qui compte un certain nombre de marches. Sans cela serait-il un escalier? A si bien fait d'observer le cruel observateur Henry Somme. Ces marches, j'en savais le nombre hier, je l'ignore aujourd'hui. L'oubli, c'est la vie. Parvenu là-haut, on jouit d'une vue superbe, comme disent les gens. On découvre... J'ai encore oublié ce quantum, une foule considérable de lieux carrés de territoire. Pourquoi des lieux carrés dans un panorama circulaire? Quel est ce petit phare? Demande une de nos compagnes en désignant un point de la basse Seine. Un phare, ça? Vous appelez ça un phare? Fait le gardien vaguement indigné. Notre compagne, confuse, en pique un de phare. Ce n'est pas un phare, madame, c'est un feu. Il nous dit même le nom du feu, mais je l'ai oublié comme le reste. Quand nous avons découvert assez de territoire, nous descendons le nombre de marches qui constituent l'escalier dont j'ai parlé plus haut. Un registre nous tend les bras pour que nous y tracions nos noms de visiteurs. Je signe modestement Francisque Sarcet, en ajoutant dans la colonne observation cette phrase ingénieuse. La phrase que j'ai inscrite s'est évadée de ma mémoire, comme tant d'autres histoires. Je feuillette le registre, et je n'en reviens pas de la stupidité de mes contemporains. Comme les gens sont bêtes, mon Dieu, comme ils sont bêtes. La colonne observation du registre de Fatouville constitue certainement le plus beau monument de bêtises humaines qu'on puisse contempler en ce bas monde. Tout un firmament de lune n'en donnerait qu'une faible idée. J'en accepte un quatrain vieux de quelques mois de Georges Lorrain et une réflexion de Pierre Delcourt. Le quatrain de Lorrain est à sextuple détente. Quant à la phrase de Delcourt, elle fait se retirer toute seule les échelles. Voici le quatrain. Comme il est des femmes gentilles, il est des calembours amers. Le phare illumine les mères, le phare enlumine les filles. À Delcourt, maintenant. Le phare de Fatouville n'est à tout prendre qu'une vaste chandelle. Il en a, toute proportion gardée, la forme et le pouvoir éclairant. Puis nous nous retirâmes. Nous allions monter en voiture, quand une espèce de petit bonhomme tout drôle, pas très vieux, mais pas extraordinairement jeune non plus, fort sec, nous demanda poliment si nous rentrions à Honfleur. Sur l'assurance qu'en effet c'était notre but, le drôle de bonhomme nous demanda une toute petite place dans notre véhicule, ce à quoi nous consentîmes de la meilleure grâce du monde. En route, il nous confia qu'il était inventeur et qu'il allait révolutionner toute l'administration des phares. « Vous occupez-vous de phares, messieurs ? » fit-il. « Oh, vous savez, nous nous en occupons sans nous en occuper. »« Vous avez tort, car c'est là une question bien intéressante. » J'avais bien envie de prier l'inventeur de nous procurer la paix. Nous descendions la côte, à travers un paysage magnifique, dans lequel un clément octobre jetait son or discret. Je me sentais plus disposé à jouir de cette vue qu'à entendre divaguer mon vieux type. Mais mon vieux type reprit, plein d'ardeur. Les phares, c'est bon quand le temps est clair, mais le temps est-il jamais clair? Pourtant, j'ai vu des fois, le temps n'est jamais clair alors. Nous avons la sirène qui beugle dans la brume. La sirène, c'est de la blague. Je défie un navigateur qui voyage dans la brume de me dire à 30 degrés près la direction d'une sirène, s'il en est éloigné de quelques milles. Alors j'ai inventé autre chose. Puisqu'on ne voit pas le feu du phare, puisqu'on se trompe sur la direction du son de la sirène, j'ai imaginé le phare odoriférant. Écoutez-moi bien. Allez-y. Chaque phare a son odeur, soigneusement indiquée sur les cartes marines. J'ai des phares à la rose, des phares au citron, des phares au musc. Au sommet des phares, un puissant vaporisateur projette ses odeurs vers la mer. Rien de plus simple alors pour se diriger. En temps de brume, le capitaine ouvre les narines et constate, par exemple, qu'une odeur de girofle lui arrive par nord-nord-ouest et une odeur de résida par sud-est. En consultant sa carte, il détermine ainsi sa situation exacte. Hein ? Épatant. Et puis, il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Je vous donne l'idée pour rien. Quand il s'agira d'un phare situé sur des rochers, en mer, construisez-le en fromage de Libaro. On le sentira de loin. Et si quelque tempête, comme il arrive souvent, empêche d'aller le ravitailler, eh bien, les gardiens ne mourront pas de faim, ils mangeront leur phare. Le drôle de bonhomme me regarda d'un air méprisant et causa d'autre chose.